parents, que je ne pourrai jamais vous suivre malgré ma forte envie de vivre, même si j'ai souvent l'air absent, qu'on me croit totalement dément. Ne croyez pas tous ces savants qui font de moi un être mort, dépourvu de tout sentiment, d'où presque rien humain ne sort. Pour tous les bateaux chavirants, on réserve un accès au port. Épargnez-moi votre pitié, ça ne changera rien pour moi. Je ne veux pas de charité, un peu d'amour me suffira. L'amour me suffira. C'est vrai, je ne vous ressemble pas. Je n'ai pas le choix d'indépendance, pas plus que de chance d'être roi, que ma vie est faite de souffrance. Mais dites-moi, est-ce une raison pour m'étouffer de compassion? Si un jour ça vous arrivait de pouvoir croiser quelqu'un qui ose à peine vous regarder, alors peut-être vous comprendrez que je préfère être embrassé qu'être le sujet d'un chagrin. Épargnez-moi votre pitié, ça ne changera rien pour moi. Je ne veux pas de charité, un peu d'amour me suffira. L'amour me suffira. Je voudrais tant rire avec vous, aimer la vie à vos côtés. J'étoufferai de ma chaleur toutes vos peines et vos malheurs. Je chanterai, j'oublierai tout. Enfin, je pourrai exister. Épargnez-moi votre pitié, pour que ma vie soit nirvana, je me passerai de charité, un peu d'amour me suffira. Pour que ma vie soit mieux que ça, un peu d'amour me suffira.